de la péréquation, des changements qui lui feront perdre près de 700 millions de dollars en 2 ans. L'émissaire de Barack Obama pour le Proche-Orient, George Mitchell, effectue sa première visite officielle au Proche-Orient. Le diplomate vient d'arriver en Israël pour rencontrer les dirigeants de l'État hébreu. Entre-temps, le cessez-le-feu dans la bande de Gaza semble de plus en plus fragile. Des avions israéliens ont bombardé ce matin des tunnels entre la bande de Gaza et l'Égypte, et des diplomates européens ont été pris pour cible par des soldats israéliens. Frédéric Barrère nous raconte ce qui s'est passé. Le consul général de France à Jérusalem et 17 diplomates européens ont essuyé des tirs de semonce de l'armée israélienne, 2 rafales de M16, il n'y a pas eu de blessés. Le consul général de France, Alain Rémy, et ses collègues européens ont été bloqués à Gaza pendant 6 heures. Pour des raisons de sécurité, l'armée a fermé tous les points de passage après l'attaque hier matin d'une patrouille israélienne par des militants palestiniens. Les diplomates ont essayé de convaincre les Israéliens de les laisser sortir de Gaza, mais Israël a posé comme condition de pouvoir fouiller. Unquirk's a deep one for the end zone. Phelan is down there. Oh, he got it! Bon matin tout le monde, bon matin Trois-Rivières et bienvenue à l'inconduite de partie. Je suis votre hôte Nicolas Duchamp, à mes côtés Pierre-Luc Giroux. Salut! Ça va bien? Ça va bien toi? Ouais. Pierre-Luc, en tant qu'étudiant à l'UQTR, comment va ton carnaval? Ah, grosse semaine là, cette semaine à l'UQTR. Beaucoup d'études, c'est un carnaval beaucoup d'études. Beaucoup d'études, hein? Ouais. C'est ça. C'est, on n'arrête pas d'étudier. Ouais, j'ai vu hier au 10-12 vraiment une étude commune. Ouais, dans un salon. Dans un salon, donc les gens très bien installés pour les du Sartre. Ouais. Un peu de philosophie... humoristique, m'a-t-on dit, hein? Ou de la communication sociale. Oui, il y avait il y avait beaucoup de communication sociale. Donc, on va souhaiter bonne chance à tout le monde, dans le fond, qui participe au carnaval pour représenter leur association. Sauf Kiro, parce qu'ils sont en avant de nous autres, puis ça nous énerve. Donc, vous savez, pour nous rejoindre en tout temps, c'est le live à commercial, inconduitedepartie.com, si vous voulez nous rejoindre en studio. Notre site internet, le www.inconduitedepartie.com. Cette semaine, les Patriotes vont être à l'honneur. On va parler beaucoup des Patriotes de hockey, comme ils étaient en action la semaine dernière. Donc, parlons-en. Et par la suite, Pierre-Luc vient de nous parler de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, ainsi que certaines rumeurs autour de la possibilité du retour d'une équipe de la Ligue à Trois-Rivières. Donc, ça va être très intéressant. Allons-y tout de suite avec les Patriotes. Écoutez, les Patriotes étaient en action la semaine dernière contre les Stingers de Concordia. Ici même, à Trois-Rivières, au Colisée. Partie quand même, les Stingers sont deuxièmes au classement. On s'attendait à une bonne partie. On s'attendait vraiment à quelque chose, une bonne confrontation. Il n'y avait pas eu beaucoup de matchs entre les deux équipes cette année, mais c'est tout à des matchs intenses. Et en effet, l'inconduite de partie était présent au match et ce fut un match très intense. Décrit un peu l'allure de la partie. Les Stingers sont partis fort là, quand même. Un but en avantage numérique de la part de Nicolas Desilets, qui est dans le fond des Patriotes. Désolé, pas ça. Nicolas Desilets a reçu la rondelle sur la jambe, donc c'est ça qui a fait le but des Patriotes. Donc, félicitations pour eux autres. Ce sera pas long, là, mes feuilles sont tout croches. Bon, c'est correct, je l'ai. Donc, pas facile, le carnaval. Ben non, pas facile, le carnaval. Pas facile. Donc, c'est ça, les Patriotes, c'était comme, dans le fond, là, Nicolas Désir était couché par terre, donc c'était un peu, c'était un avantage numérique pour les Stingers. Donc, on peut dire que c'était un 5 contre 3. Le but des Stingers, retour immédiat des Patriotes, quelques minutes plus tard, même quelques secondes plus tard, pour être précis, Étienne Balavance, sans aide, avec une belle pièce de jeu de Valfilet. Dans le fond, c'était à 8 et 9. Un autre but des Patriotes plus tard. Tommy Lafontaine, Stitch Charland blesse 2 à 1. Première période encore. Samuel Richard, le joueur des Patriotes, vient donner de la bande 2 minutes et une inconduite de partie. Donc, ça regardait mal. On vient de perdre un joueur en plus. C'était un 2 minutes. Power play. Nanana, les Stingers, inconduite, pas inconduite, mais indiscipline. Éric Bégin vient tout annuler ça. 2 minutes pour avoir fermé le bâton et un 2 minutes supplémentaire. Pour mauvaise conduite. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'engueulades avec les arbitres cette semaine dans cette partie-là. Des deux côtés, là, vraiment, il y avait beaucoup d'insatisfaction envers les arbitres. Ça a mal été au niveau de l'arbitrage un peu. Puis cette mauvaise conduite-là va venir coûter très cher aux Stingers, alors que l'UQTR en profite pour inscrire un troisième but. Le trio infernal Demers, Gravel, Boutin. Donc le but crédité à Demers. C'est 3-1 pour les Patriotes. Les Stingers ne s'en laissent pas imposer, par exemple, à 14-15, Nicolas Daou, qui est le meneur chez les pointeurs pour les Stingers, avec un beau tir sur réception dans la clave, 3-2. Donc, on le sait, les Patriotes sont en tête de leur classement, mais ça se fait chauffer les fesses là, en première période. Les tirs, 17-11 pour l'UQTR. Deuxième période, écoutez, but des Stingers en partant. 3-3. Marc-André Lehmann qui égale la marque. Un tir qui était dévié à la défense par les Pats. Là. Donc 3-3, on n'est pas, comme je disais, on n'est pas content. André Joannis, par exemple, vient faire la marque 4-3 sur un tir de la défense qui trompe la vigilance de Maxime Joyal, ancien des Remparts, hein, tu te souviens? Il avait été mis dehors, je pense, avec les Remparts un peu. Là. Patrick Wall l'avait... C'était-tu lui qui avait été envoyé à Caddy Batters ou quelque chose comme ouais, ça? Oui, il avait été changé. Oui, il avait eu du chial. Je me rappelle pas trop pour quelle équipe. Si je me souviens bien, il avait été comme ridiculisé pendant une pratique par Patrick Roy, prise de bec. Puis, en tout cas, ben il me semble, là, mais peut-être que je me fourvoie, mais ma mémoire est quand même bonne d'habitude. Donc, je vais me croiser les dessus, puis au pire, on ira vérifier, hein. Donc c'est ça, la partie continue, 4-3 comme on vient de dire, but de Joannis avec les aides à Bellevance et Blais. On met beaucoup, beaucoup de pression sur le premier trio des Pats, c'est vraiment les Stingers ont trouvé un moyen de faire perdre la tête un peu au trio Demers, Boutin et Gravel. Beaucoup de pression, donc on commence à péter les plombs un peu du côté des Patriotes. En plus, Gravel, un joueur qui tombe sur la jambe, vient se blesser, bon, il y a de la bousculade devant le filet. Tu sais, vraiment, là, comme je dis, on les manque pas. Puis Gravel a eu de la misère avec pendant le reste de la partie à cause de la blessure. Manque de discipline de la part des Pats. Ça continue sur le même jeu. Joannis qui commence un peu de brasse-camarade avec un joueur des Stingers. Lui donne un coup de bâton. Donc, 2 minutes. Demers, comme je disais, pas content avec l'arbitre Rouspette. 10 minutes de mauvaise conduite. Quand tu perds un de tes meilleurs marqueurs pour 10 minutes, ça regarde très, très mal. Donc, c'est ça, 5 contre 3, les Patriotes en fin de période. Mais par exemple, justement, oui, les Stingers n'ont rien fait là-dessus. Non? Non, rien fait, ils n'ont pas réussi à compter. Fin de période, 5 contre 3, 3 joueurs se retrouvent au cachot pour Concordia, un seul pour les Patriotes quand je disais que ça brassait devant le filet et tout ça. Puis c'est des pénalités de rudesse là, pour les Pats, donc comme on dit, un 3 contre 1, deux pénalités... pas subséquentes en même temps, là, dans le fond, là. Il manque le mot très précis. Mais les Pats ne réussissent pas à en profiter, ils récoltent seulement un tir. Donc, ça finit mal la période, reste à voir. Les Stingers, à 20 minutes, la période est finie. Nicolas Kiangula, 2 minutes pour Dardage. Là, tu te dis, punition inutile, là. La période est finie, là. Punition inutile. Ça commence, ouais. Les Patriotes commencent la période en... Ben, c'est ça, ils vont commencer à 3e à force, hein, parce que là, en deuxième période, 14-8, les tirs pour Trois-Rivières, fin de la deuxième période. Fait que tu te dis, bon, OK, peut-être qu'il n'y a pas eu de pénalité, mais... Ça fait mal, les pénalités comme ça, le power play, l'avantage numérique va-tu venir scorer? Ben oui, ils sont venus scorer, écoute. Et hein, voilà. Hein, ben, Alexandre Blais, le nouveau venu, là, qu'on en avait parlé la semaine passée. Petit joueur, mais très, très, très solide. De la vitesse. Pas de la vitesse, mais tout est à baisse placée, là, vraiment un guerrier, là, comme on appelle, il va au front, là. Très impressionnant. But de Blais, c'était de Boutin-Chicoine, donc ça allait très bien pour lui. qui a même raccordé, au total, là, Blais, là, parlons-en, là, 4 points dans cette partie-là, le petit nouveau. 4 points. 4 points. Ouais, donc, ça continue l'indiscipline. Joannis qui est expulsé, c'était sa troisième pénalité du match avec bâton. Dans ce qu'on appelle le sport interuniversitaire canadien, si tu prends 3 pénalités dans le match avec ton bâton, donc un dardage, un double échec ou quelque chose comme ça, tu te fais expulser. Donc, inconduite de partie pour lui, ce qui veut dire 4 minutes de pénalité. Faut se défendre comme ça. Ça continue, par contre, les Patriots réussissent vraiment à tenir le fort en désavantage numérique. Stingers commence à vraiment là, prendre le... Tu te sens vraiment être frustré. Devant le filet, Escarmouche, un joueur des Stingers, un coup de bâton sur le gardien Miguel Dupont. Vraiment comme au visage ou au haut du corps. Là. Quelque chose qui se fait pas là, normalement. Il l'a fait. Les joueurs cherchent. Il n'a pas été pénalisé sur le jeu. Et sur le même jeu, Gravel, ben, tu sais, j'en avais parlé un peu qu'il y avait de la misère. Il reste au banc. Il n'a pas joué à peu près de la troisième période, vraiment, là. Donc, ça regarde de mal pour lui. Puis pour Michael Dupont, qui était gardien, bon, c'est pas la meilleure partie non plus, là. On l'a vu plus en contrôle de son style puis tout ça. Dans d'autres parties, où est-ce que je pense à celle qui a fait 50 arrêts là, la semaine dernière, blanchissage. Donc ça avait fait troisième période. Les Pats viennent vraiment clouer le cercueil des Stingers à 16 minutes 22. But de Mathieu Simoneau avec un aide d'Alexandre Blais et d'Alexandre Demers. Vraiment là, donc 6-3. La majeure partie de la fin de la troisième période est vraiment passée dans la zone des Stingers. Ils jouent comme des abeilles pas de tête. Je sais pas si ça se dit là, mais on dirait des poules. Les abeilles pas de tête. Donc les tirs à troisième, 19-9 pour les Patriots. Fin de partie 50-28 les lancés. Donc une bonne domination là, des Patriots. Une bonne domination, mais c'est pas encore. C'était pas au niveau de l'exécution, au niveau de la cohésion, tout ça, il en manquait un petit peu. Comme j'ai dit, c'était pas la meilleure. Donc, tu sais, malgré la victoire, là, comme je dis, c'était pas excellent. On va écouter ce que Jacques Laporte avait à dire là-dessus. Après le match, dans le fond, là, on a été aux interviews et on va voir qu'est-ce qu'il a apprécié et qu'est-ce qu'il a moins apprécié du match. Sérieusement, non, parce que eux autres se sont donné une note de 8. On évalue les matchs depuis le retour du temps des fêtes. Puis nous, le staff, on plaçait pas le résultat. Sérieusement, non, parce que pour nous autres, un match de même, c'est pas 8 parce que c'est pas encore le genre de préparation et d'action qu'on a besoin en vue des séries natoires. Tu sais, il y a des buts, faut être honnête, là, il y a des buts là-dedans qu'en série, je pense pas qu'on revoit. Le but de Simoneau, le but de Joannis, c'est pas des buts de playoff, c'est pas des buts que tu vois souvent dans les séries, c'est plus serré que ça, il y a moins d'espace que ça de travailler. Tu sais, on était opportuniste, ça en prend, c'est vrai. Mais faut pas se fier là-dessus pour gagner des matchs. Et même si on a 4 buts au moins en avantage numérique, là, c'est un élément important, c'est sûr, dans notre progression, mais faut pas se fier juste là-dessus parce que des fois, ça change vite. Ouais. On a aussi demandé à M. Laporte qu'est-ce qui passait de l'indiscipline, comme je disais, les 3-10 minutes d'inconduite, de mauvaise conduite que son équipe a pris. Qu'est-ce qu'il pensait de ça? Puis vraiment là, qu'est-ce qu'il fallait faire un peu? Ça, c'est très, très, très, très rare dans notre cas. Là, il y en a eu 4 dans toute l'année, là, je pense. Là, que c'est très, très rare. 2 dans le même match, c'est pas correct. Il faut apprendre à vivre avec le mental, avec un niveau de tolérance plus grand. Et surtout que c'est ma responsabilité à moi, c'est pas la leur. Et t'as qu'à être dans le vestiaire, on va aller voir les joueurs. On a été demandé à Alexandre Blais, héros du match, comme je disais, un but, 3 passes. Comment il avait aimé ça un peu, là, sa première partie à Trois-Rivières? On est présentement avec Alexandre Blais qui vient de connaître. Première partie à Trois-Rivières pour Alexandre, grosse partie, un but, 2 passes. Donc, qu'est-ce qu'on pense de notre performance, Alex? Ben, c'est sûr que ça a bien été dans l'ensemble. Je me suis concentré à donner mon 100% toute la partie, puis d'essayer de faire les jeux simples, puis ça a rapporté. Puis, qu'est-ce qu'on voit comme différence entre ici, avec l'UQTR, puis avec St. Francis Xavier, où est-ce que tu étais, v'là 2 ans, dans le fond, tu étais inactif 1 an? Ce que je vois là, comme différence, c'est qu'ici, on a 4 bons trios, tandis que là-bas, on était plus une ligne là, qui fallait qu'ils produisent. Puis ici, pas mal toutes nos lignes pour être une première ligne dans partout dans toutes les autres équipes. Fait que ça, c'est un plus pour nous autres, c'est sûr. Je te remercie beaucoup, Alexandre, puis bonne chance avec les Patriots. Merci beaucoup. Donc, Alexandre Blais, qui à date a l'air de se plaire avec les Patriots, c'est une bonne chose parce que s'il continue à avoir des matchs de cette qualité-là, ça va vraiment être une pièce du puzzle pour la fin de la saison, pour les séries qui arrivent. Si on l'aurait eu toute l'année, peut-être que justement, là, ça aurait été encore un plus. Ouais, c'est ça, vraiment, c'est ça, un plus. Mais... peut-être qu'il serait dans les premiers marqueurs de la ligue. Là, avec ben, je sais pas, parce que lui, il est centre, donc il faut qu'il déloge. Si je me trompe pas, il est centre. Sur quelle ligne? Ben, il a joué beaucoup sur le deuxième trio. Sur le deuxième trio. Donc ça, puis. Mais comme Nicolas Cahouette disait, les gars tournent vraiment là, au niveau du roulement. Les joueurs. Donc, mais c'est parce qu'il faut qu'ils délogent Alexandre Demers ou Mathieu Gravel, je suis plus sûr à 100%. De la position de centre, premier centre, c'est difficile à faire là, un peu. Là. Et finalement, on était voir notre chemin, Nicolas Cahouette, savoir qu'est-ce qui avait passé du match puis de tout ça. Donc, Nicolas, grosse victoire ce soir, 6-3 contre Concordia. Pas un match facile, par exemple. Non, on a pris les levers 3-1, puis les punitions nous ont tués un petit peu, là. C'est un petit peu normal. On savait qu'ils abandonneraient pas. Finalement, ils nous ont donné une game, là. Et pour comprendre qu'ils luttent aussi pour une place dans les playoffs, puis ils sont deuxième, ils nous voient en avant. Fait que, non, ils nous ont donné une bonne opposition, puis on s'en attendait. Les gars étaient prêts, je pense. Ouais, ça, au niveau de l'arbitrage, c'est coup ça, ou au niveau de l'intensité de jeu de l'autre côté, qu'on a, on a embarqué un petit peu dans leur indiscipline, en répliquant un petit peu. André Joannis qui se fait mettre dehors de la partie, des choses comme ça. Peut-être juste un petit manque de concentration un petit peu. Ben écoute, je mettrai jamais le blâme sur l'arbitrage là, mais il est arrivé des incidents durant la partie qui ont fait qu'on a eu des blessés, on a eu des gars qui se sont fait sortir de la partie. Donc ce qui est intéressant, c'est que les autres qui jouent peut-être moins d'habitude ont pris la relève de ces gars-là, puis on a vu qu'on avait plus de profondeur qu'on pensait. Quand on part à partir de la première période avec 2-3 gars en moins, ben faut jouer plus intelligemment, puis une chance qu'on avait les devants, parce que c'était eux autres de courir après nous autres, puis on pouvait garder nos énergies là. Je pense qu'on peut dire que ça ressemblait à un match de série là. Tu sais, vraiment, si on voulait une bonne préparation pour les séries, ça en était une. Oh, et nous autres, on était prêts avant la partie. On a eu un bon meeting là, avec les coachs. Là, puis on s'enligne pour jouer comme si c'était pour les playoffs parce qu'on sait que c'est certain qu'on va poigner une des équipes de notre division. Puis il nous reste juste des parties contre des équipes de notre division. Fait. Pas le choix d'être prêt et lancer un message aux autres équipes là, comme quoi qu'on va être prêt. Merci, Nicolas. Merci. Donc, Nicolas Cahouette, qui a bien apprécié d'un peu la façon que son équipe a répondu dans les séries. Comme je disais, comme on a entendu, Jacques Laporte un petit peu moins content. Puis c'est normal, hein, c'est un entraîneur, on veut tout le temps plus de son équipe. Mais au moins, les deux côtés, ça tire du bon côté vers des bonnes performances dans les séries. Donc, si on regarde un peu aussi, là, j'ai regardé le classement des marqueurs. Ouais. Au début de la saison, on se rappelle Alexandre Demers, Jonathan Boutin qui étaient les deux premiers marqueurs de la Ligue. Maintenant, Jonathan Boutin qui est maintenant rendu au quatrième rang avec 41 points, donc 18 buts, 23 passes. Donc, c'est excellent. Puis Alexandre Demers, lui qui est au 10e rang. Ça, c'est canadien, là, bien sûr. Ouais. C'est pas seulement leur division, c'est vraiment canadien. Lui qui a 38 points en 22 matchs, donc 15 buts, 23 passes. Donc, on peut vraiment dire là, qu'on a vraiment deux grosses étoiles là, dans la Ligue. Ouais, puis la raison un petit peu de leur baisse, je te dirais, c'est que les équipes leur donnent une attention supplémentaire, là, vraiment. C'est là, sûr, c'est sûr. Ça, c'est comme dans n'importe quelle ligue. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, au début de la saison, là, c'était un petit peu moins. Tu te doutes que t'as lui à checker, mais là, une attention spéciale, comme je disais, les Stingers qui ont vraiment essayé de leur faire perdre la tête à ce trio-là. Puis Gravel, la blessure de Gravel, c'est pas rien de c'était pas un coup vicieux, mais quand même, c'est en mettant de la pression qu'on réussit à faire des choses comme ça. Vendredi soir, c'était les GGs d'Ottawa qui se pointaient à Trois-Rivières. Donc, si les Pats l'emportaient dans ce match, ils s'assuraient d'un 16e titre de conférence dans leur histoire. Malheureusement, mauvais début de match pour les Patriots encore. On en avait parlé un petit peu, qu'on avait de la misère à établir notre rythme, puis c'est pas mal ça qui est arrivé. Seulement Alexandre Blais a fait bouger les cordages chez les Pats en première période. Et du côté d'Ottawa, 3 buts furent comptés. Kevin Gagné, Ryan Gove et Mathieu Méthotte. Donc ça part fort pour les GGs. Fallait revenir, on le sait, les Patriots sont capables de revenir. En deuxième période, Étienne Bellavance-Martin réussit à déjouer Riley Whitlock, qui est le gardien d'Ottawa, pour porter la marque à 3-2. Alors qu'il y avait seulement 4 minutes 50 de parcouru en deuxième période. Mais Whitlock, tel un mur, un garde, une tour, une forteresse, je manque de synonymes. Il a vraiment tout bloqué ce qui a été envoyé vers lui pour le reste de la partie, dont les 16 tirs des Patriots en troisième période. Donc, défaite des Patriots 3-2 contre Ottawa. Un petit peu décevant, il va falloir attendre avant d'être sacré champion. La défaite va à l'affiche de Jean-Christophe Blanchard. Donc, puis la défaite contre les GGs coûte cher un peu aux Patriots parce qu'ils sont maintenant passés du deuxième au troisième rang du classement canadien. Ils ont été dépassés par les Reds de l'Université du Nouveau-Brunswick. Donc, ils s'éloignent encore plus des Golden Bears de l'Alberta qui, eux, sont au premier rang canadien. Puis Ottawa, c'est quand même pas un des gros clubs de la Ligue non plus. Là. C'est quand même l'équipe qui est en ce moment cinquième dans la division. Ouais. Donc, Que s'est-il passé, Nicolas? Je m'en allais là-dessus aussi. Au niveau dans la conférence S de la conférence Ontario, si tu compares les équipes de la conférence, je sais pas s'il y a un nom en français, là, mais Far East puis Mid East, là, où l'Est loin et l'Est un petit peu moins loin. dans le fond, si tu regardes les points, les cinq équipes, donc, comme tu dis, Ottawa, l'UQTR Ottawa, de la Far East ou de l'Est proche, sont tous en position pour faire les séries. Tout. OK. UQTR, 39 points, 28 Concordia, 26 McGill, 25 Carlton, 22 Ottawa. C'est très chaud. C'est très, très chaud. Si on note les Patriotes qui sont une coche en haut, une bonne coche à part de ça, là, c'est très, très chaud. Si on regarde la Médise, Toronto avec ses 24 points est en position pour faire les séries, mais Queens en a 16, RMC en a 13, puis Ryerson en a 9. Donc, la force de cette conférence-là est vraiment dans la Far East. Donc, d'affronter Ottawa ou d'affronter Carlton, McGill ou même Concordia, tu te prends contre une équipe qui est vraiment meilleure que ce qu'il y a dans le reste de l'Ontario, en tout cas de ça. Donc, une défaite contre les GG, c'est pas agréable, ça, c'est sûr. Je pense pas qu'il y avait personne qui se disait « Ouais, mais écoute, on a travaillé puis on n'a pas été chanceux. » Ça, j'en suis sûr que non, ils sont pas contents. Mais quand même... On peut pas dire que c'était une équipe. Tu peux pas prendre ça à légère. C'est pas. C'était pas un. Comment on dit ça en anglais? Un walk in the park. Okay. Hein? Les Américains ont une expression que j'aime bien. Un walk in the park. C'est quoi le format des séries éliminatoires, là, pour. C'est. Où là, tu m'en poses une. Je sais que c'est du 2 contre 3, comme Nicolas Cahouette a dit la semaine passée. Okay. Mais qui va affronter qui s'il y a des. Ce qu'on appelle des bails? Oui, il y a des bails, ça. Dans le fond, l'UQTR, je pense, aurait un bail en première ronde. Donc, okay. Il ne joue pas en première ronde. Puis ils vont affronter après ça comment c'est placé. Je peux pas te le dire exactement, là, j'ai pas l'information, mais je peux aller au sources. On va revenir avec ça dans avec les semaines prochaines. Ben oui, les séries vont s'en venir. Ben c'est sûr, on va en reparler, c'est sûr. On va en parler, c'est sûr. Soccer intérieur, vendredi, les filles est en action contre les Lady Gators de Bishop à Sherbrooke. Le match est soldé par le pointage de 2-2. Donc les buts des Pats ont été réussis par Marie-Michelle Lapointe et Jade Richer. Fait que ça continue pour les filles. En tout cas, ils jouent bien quand même. Chez les hommes, ils affrontaient l'Attaque de Trois-Rivières, le club école de l'Impact de Montréal, au centre Alphonse Desjardins de Trois-Rivières. Et une victoire sans surprise de l'Attaque par la marque de 5-0. Donc, fallait s'y attendre, là. C'était pas tout à fait le même calibre. En natation, c'est rare qu'on parle de natation ici à l'inconduite de partie, mais parlons-en. Jennifer Carroll, qui est vétéran de 5 saisons avec la formation de natation, a connu une compétition parfaite lors de la Coupe universitaire 4 tenue au PEPS de l'Université Laval samedi dernier. Jennifer a complètement dominé la compétition pour remporter 3 médailles d'or en autant d'épreuves. Elle a obtenu ses premières positions aux 200 mètres libres, aux 50 mètres libres et aux 100 mètres papillons. Donc, d'ailleurs, Jennifer Carroll est nommée Patriote de la semaine. Félicitations à elle, vraiment, bravo. Donc, on va maintenant aller en... Ben, écoute, on va aller à la pause. On va aller à la pause. Au retour, Ligue d'hockey junior majeur du Québec. Pierre-Luc, tu nous fais ça. On va, comme je disais, ben, les certainement, rumeurs, tout ça. On a beaucoup d'affaires à parler cette semaine. Vous allez voir ça. Bon, ben, c'est parfait. Donc, on se revoit après la pause. Vous écoutez les conduites de partie sur les ondes de C'est fou. Le 6 février 2009, de 19h à minuit, participez au Téléthon de la Fondation du Centre hospitalier régional de Trois-Rivières. Il sera diffusé sur les ondes de TVA Trois-Rivières, en direct du Théâtre du Cégep de Trois-Rivières. Donnez pour la santé, donnez pour la communauté, donnez pour tous, en profitez, ici, dans notre région. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts, ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie.

escalier. Un plancher fragile sous nos pieds. Marche en silence, ouvre tes yeux. On dit qu'ici vivent des vieux. Quand je suis finalement arrivé dans la grande salle déjà saccagée, les tables de ping-pong étaient les témoins de morceaux d'histoire de l'île bizarre. Y'a des gens dans la rue qui nous regardent. J'en ai rien à foutre, j'en ai rien à foutre. Y'a des gens dans la rue qui nous regardent. J'en ai rien à foutre, j'en ai rien à foutre. Y'a des gens dans la rue qui nous regardent. J'en ai rien à foutre, j'en ai rien à foutre. Y'a des gens dans la rue qui nous regardent. J'en ai rien à foutre, j'en ai rien à foutre. Y'a des gens dans la rue qui nous regardent. J'en ai rien à foutre, j'en ai rien à foutre. Et c'était extérieur avec Campanile, ça, ça réveille un matin. Donc, on a oublié d'en parler avant la pause, les Patriotes étaient aussi en action hier. Et oui, ben tu as joué contre les Patriotes. Ben oui, Patriotes contre UQTR dans le cadre du carnaval. Défaite des Patriotes 2-0 en prolongation, pas en prolongation, en tir de fusillade. L'arbitre a dit que le pointage était égal à la fin de la partie. On va se fier sur son jugement. Donc, c'est allé en fusillade. Les arbitres du carnaval, écoute, oui, là, faut, c'est ça. Renaud Barrière pour le nommer. Donc, a décidé que c'était égal, le tir de fusillade et victoire de la part de l'équipe UQTR contre l'équipe Patriotes. Faut dire que le terrain est pas trop grand non plus. Et non, c'est pas serré. Deux buts pour Nicolas de chambre dans la victoire de l'équipe UQTR. Ouais, bravo. Merci. Non, c'était bien plaisant. Écoute, il est présentement à 10h38. Pierre-Luc, parle-nous de ça. Hockey Junior, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Hockey Junior cette semaine. Donc, ça bouge beaucoup là, dans les temps qui courent, dans la JMQ. Quand on s'est parlé la semaine dernière, Nicolas, je ne sais pas si tu te rappelles, les Cataractes étaient au premier rang du classement général. Et une semaine plus tard, ils se retrouvent maintenant au troisième rang. Donc, c'est vraiment, mais vraiment très serré là pour l'obtention du trophée Jean Rougeau. Si on regarde le classement en ce moment, il y a seulement 5 points qui séparent le premier au cinquième rang du classement général. Donc, il n'y a toujours rien de décidé de ce côté. Pour l'instant, les Voltigeurs et les Remparts figurent au premier rang à égalité avec 79 points. Derrière ces deux équipes, donc avec les Cataractes sont derrière avec troisième avec 78 points. Les Wildcats qui suivent pas loin derrière avec 77 points. Et les Screaming Eagles, qui ne faut pas oublier, qui ont quelques matchs de plus de jouer, sont au cinquième rang à 74 points. Donc, le classement, comme j'ai dit, est vraiment très, très serré. Et les parties, là, de plus en plus, vont être de très, très importantes, comme par exemple celle de ce soir-là, qui va opposer les Cataractes aux Voltigeurs de Drummondville. Ça pourrait permettre aux Cataractes de reprendre le premier rang dès ce soir. Je sais pas si tu peux me répondre là-dessus. Combien de fois ils vont s'affronter cette saison, les Cataractes et les Voltigeurs? Je pense que c'est un total d'à peu près 8 fois. Okay. 6 à 8 fois. Okay. Déjà, ils ont eu, je pense, à peu près 4-5 affrontements. Ouais. Donc, on est rendu à peu près au 6e là, cette année. Donc, c'est quand même... quand on est dans la même division, là, ils s'affrontent quand même souvent. Pour que ça coûte trop cher d'autobus. Ben, c'est ça, d'autobus. Puis je te dirais que c'est très, très rare là, qu'ils jouent contre les Maritimes. Je pense que c'est deux matchs, une fois là-bas, une fois ici. Donc, ça se passe vraiment entre nos divisions. Donc, les matchs, là, comme on l'a dit, vont être de plus en plus importants. Les Voltigeurs, les Cataractes, plus ça va aller, plus ça... plus dans le fond ça va compter. Parce que c'est sûr que les deux équipes vont vraiment se battre là, pour le premier rang. Aussi parce qu'en série éliminatoire, la première ronde, on joue soit contre les Tigres de Victoriaville, qui sont au troisième rang dans la division, ou quatrième rang, en ce moment, c'est les Maniacs qui en arrachent beaucoup. Donc, ou une équipe des Maritimes, là, si les Maniacs réussissent pas à se classer. Donc, je pense que ça va être vraiment, là, les Tigres peuvent vraiment surprendre en première ronde. Donc, je pense que on va vraiment mettre, mettre vraiment les efforts, là, pour terminer premier, pour pas affronter les Tigres en première ronde, parce que on pourrait avoir des surprises. Ouais. Donc, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans la junior majeure. Tout d'abord, les Cataractes avaient deux matchs dans une série aller-retour contre les Tigres de Victoriaville. Dans un premier temps, jeudi dernier, à l'amphithéâtre de Shawinigan, les Cataractes ont été beaucoup trop forts pour les pauvres Tigres, alors qu'ils l'ont facilement emporté par la marque de 8 à 3. C'est Mathieu Pestilli qui a fait le plus mal aux Tigres, lui qui a inscrit un tour de chapeau en plus de récolter une passe. Nicolas Peterson a aussi récolté 4 points dans la victoire. Les autres marqueurs pour, dans le fond, c'est Messenauer, Martel, Vandal et Roussa ont chacun récolté 2 points dans la victoire. Les marqueurs pour les Tigres, Philippe Michael DeVos, Alexandre Labonté et Tyler Nosworthy. Ensuite de ça, le gardien Antonio Mastropietro des Tigres a dû laisser sa place à Jean-Michel Fortier après le 7e but des Cats. Avant le match, on a retiré le chandail numéro 33 de Patrick Lalime, lui qui a évolué pour les Cataractes durant son stage junior. Et il réside là, d'ailleurs à cet endroit, lui qui a trouvé la femme de sa vie à Shawinigan. Oh. C'est cute. Ben là, c'est cute. Tu mets de la joie dans mon cœur ce matin. Regarde, j'en doute pas. Donc, le lendemain, c'est aux Cataractes de se rendre à Victoriaville pour la deuxième rencontre de leur série aller-retour. Par contre, ça a été beaucoup plus difficile pour les Cats alors que les Tigres ont démontré qu'ils pouvaient tenir tête aux grosses équipes de la Ligue. Le match s'est terminé par une victoire de 2-1 des Tigres et on a eu droit à un très bon match de hockey. Les Tigres ont vraiment été en mesure de calmer les gros joueurs des Cats. C'est Andrew Nestrasil qui a donné l'avance aux Tigres en première période avant de voir Nicolas Peterson répliquer pour porter la marque 1-1. Cette marque a été conservée pendant une bonne partie du match, mais Olivier Hince, en troisième période, a déjoué le gardien Gabriel Girard pour porter la marque à 2-1. Et les Tigres ont travaillé très fort pour conserver cette avance, et ça a porté fruit. Une belle victoire des Tigres sur les Cataractes. C'est une victoire qui donne extrêmement beaucoup de confiance à cette équipe, parce que ça l'a vraiment prouvé là qu'ils pouvaient tenir tête aux grosses équipes comme les Cataractes, les Voltigeurs, comme on a parlé pour les premières rondes des séries. Donc, ça donne énormément de confiance à l'équipe. Même que les Tigres, là, ça n'a pas été une luck, là, cette victoire-là, parce qu'ils ont même dominé au chapitre des tirs par 35 à 29. Le gardien Antonio Mastropietro, qui avait été sorti la veille, s'est bien repris, lui, qui a été la première étoile du match. Moi, j'ai écouté personnellement le match sur le site de TELUS et je peux dire que ça l'a brassé vraiment un peu dans cette partie. En deuxième période, alors que le joueur des Tigres, Ryan Jasinski, s'en est pris à Pierrick Martel alors qu'il l'a projeté sur la glace et a continué à lui asséner des coups. Donc, avec les nouveaux règlements, maintenant, là, on n'a pas le droit de faire ça. Puis il a été suspendu par la Ligue là, pour 10 parties. C'est rough, ça fait mal. Mais Martel, c'est pour ceux qui ne savent pas, là, c'est 5 pieds 7, 5 pieds 8. Là, non, il n'est pas grand. Martel, là, il est pas grand, c'est un joueur d'habilité. Ça a fait mal. Ouais, c'est ça, à longue. Là. Donc, comme j'ai dit, j'ai écouté la partie, là, puis j'ai vraiment trouvé que les Tigres jouaient vraiment du hockey inspiré devant les partisans. Et ça montre là, qu'ils sont loin d'être battus pour la première ronde des séries, parce qu'ils vont faire face, comme on a dit, au Voltigeur, au Cataract. Va vraiment, mais vraiment falloir faire attention à cette équipe parce qu'elle pourrait causer vraiment des surprises dès la première ronde. Donc, les Cataracts, quant à eux, auront du gros boulot cette semaine alors qu'ils auront 3 matchs en 3 soirs. Et laisse-moi te dire que ça ne sera pas de tout repos alors que d'abord, ce soir, ils se rendront à Drummondville pour y affronter les Voltigeurs et peut-être réussir à conquérir le premier rang. Ensuite, jeudi et vendredi, ils recevront par 2 fois Les Screaming Eagles qui connaissent énormément de succès dans les temps qui courent, eux qui ont d'ailleurs battu les Remparts là, la semaine dernière, ils ne sont qu'à 4 points des Cats. Donc, on va devoir se mettre en mode série dès ce soir là pour les hommes d'Éric Veilleux. Mm-hmm. Maintenant, les Voltigeurs ont quant à eux connu une semaine exceptionnelle alors qu'ils avaient 3 matchs en 4 soirs et ils l'ont emporté ces 3 matchs devançant ainsi les Cataractes au premier rang du classement général de la LHGMQ. Tout d'abord, jeudi, ils recevaient la visite du Junior de Montréal au centre Marcel Dionne et ce ne fut pas une partie très difficile pour eux alors qu'ils ont été en contrôle du match durant toute la rencontre. La grande vedette du match a été Chris DiDomenico, qui a récolté un but et 2 passes pour un total de 3 points. Les autres buteurs pour les Voltigeurs ont été Yannick Riendeau, Benoît Lévesque et Mike Hoffman, avec un but là, en désavantage numérique en fin de match. Ça a donc été une nette domination des Voltigeurs, qui ont eu le dessus par 47-22 dans les tirs. Donc le gardien vedette là, du Junior a été fort occupé pendant la partie, lui qui a repoussé 43 des 47 tirs dirigés vers lui. Le lendemain, les Voltigeurs prenaient la route du Saguenay pour aller y affronter les Saguenayens au centre Georges Vézina. Les Sags connaissaient d'ailleurs une très mauvaise séquence, eux qui en étaient à 6 défaites de suite. Guy Boucher avait fait confiance à son deuxième gardien Antoine Tardif, mais celui-ci a bien mal commencé la partie alors qu'il a accordé 2 buts en moins d'une minute en première période, ce qui a forcé l'entraîneur des Voltigeurs à remettre son gardien d'expérience Marco Cousino. Et on a attendu jusqu'en fin de deuxième période avant de voir les Voltigeurs s'inscrire au pointage sur un but du nouveau venu Ryan McKernan. Puis, les Sags ont essayé de conserver leur mince avance d'un but, mais Mike Hoffman est venu créer l'égalité en milieu de troisième pour forcer la prolongation. Question pour toi, Pierre-Luc. Antoine Tardif, là, c'était pas supposé être un, comme un joueur vraiment, j'ai juste un mot prospect, là, dans la tête, là, mais vraiment un espoir pour la Ligue nationale, puis ça... Finalement, non, ça va pas, d'après moi, là, deuxième gardien, la Victoria, À Drummondville, là. Mais, tu sais, je veux dire, quand il est arrivé dans le junior, c'était supposé... Ouais, on pensait que ça allait être une étoile montante. On est allé chercher Cousino cette année pour le remplacer parce que ça allait pas. L'étoile a manqué de Saint-Tien. C'est en plein Saint-Tien. Donc, finalement, dans le fond, Marc-Olivier Vachon est venu compléter le travail en prolongation pour procurer la victoire aux Voltigeurs par la marque de 3-2. La première étoile du match a été le gardien des Sags, François Lévesque, lui qui a repoussé 36 des 39 tirs dirigés vers lui. Ryan McKernan, comme je disais, est un nouveau venu. Il est arrivé depuis le 9 janvier là, chez les Voltigeurs. C'est un joueur qui a 19 ans. Je sais même pas de où il provient. Okay. J'ai vraiment remarqué ça là, qu'il y avait un nouveau joueur de 19 ans, Ryan McKernan. Il est ontarien. Okay. Donc, puis les Voltigeurs revenaient à la maison ce dimanche pour y affronter les Tigres de Victoriaville, qui arrivaient gonflés à bloc après avoir remporté leur dernier match contre les Cataractes. Mais les Voltigeurs les ont rapidement remis à leur place, alors qu'ils les ont carrément démolis par la marque de 8-2. C'est seulement après le 7e but des Voltigeurs qu'on a pu voir le premier but des Tigres, qui a été marqué par Maxime Tanguay en fin de deuxième période. Mike Hoffman a été la grande vedette du match, lui qui a inscrit un tour du chapeau, en plus de récolter 2 passes pour un total de 5 points. Les autres buteurs pour les Voltigeurs sont Couturier, Procop, Massé, Mabod et Frenette. Le gardien des Tigres, Antonio Mastropietro, a été fort occupé par lui qui a fait face à 55 lancés. Donc, l'entraîneur des Tigres, Yannick Jean, a d'ailleurs décidé de le garder dans le match, malgré les 8 buts auxquels il a laissé passer. Avant le match, les Voltigeurs ont procédé au retrait du chandail numéro 21 de Denis Gauthier, lui qui a été la mitraille à la ligne bleue pour les Voltigeurs de 1992 à 1996. Donc, avec ces victoires, les Voltigeurs, comme on l'a dit plus tôt, se retrouvent donc au premier rang du classement général, à égalité avec les Remparts de Québec, mais ils possèdent un match en main. Les Voltigeurs ont 2 gros matchs à jouer cette semaine. Tout d'abord, ce soir, contre les Cataractes. Et ensuite, samedi, à leur tour, elles recevront les Screaming Eagles du Cap-Breton. Donc, le défi pour les Voltigeurs cette semaine sera de conserver le premier rang au classement, car d'après moi, une défaite dans ces 2 matchs pourrait leur faire perdre la position de tête. Donc, ça ne sera pas facile pour eux cette semaine. Écoute, Pierre-Luc, je viens d'aller aux sources. J'ai appelé des personnes très bien renseignées, comme on dit. Ryan McKernan, américain, qui vient de l'État de New York. Il jouait avec les Buccaneers de D1 dans la USHL, qui est comme la Ligue junior de hockey junior majeur du Québec, un petit peu, mais aux États-Unis. Okay. Ça, dans le fond, c'est pour accéder au college américain, dans le fond. Mais je regarde ce qu'il apportait à l'équipe. Puis c'est 3 points en 15 matchs cette année. bon, c'était pas fameux. L'an passé, 15 en 59. Donc, d'après moi, c'est un défenseur. Là, donc, je pense qu'il a décidé de s'en venir au Québec pour peut-être avoir une chance supérieure. Mais vision aussi. Ouais, c'est ça, une chance supérieure d'accéder aux grosses ligues où il est peut-être juste pas bon à l'école. Pis, non, mais ça se peut, là, s'il est pas bon à l'école. Facile, c'est à Québec. Hein? Mais c'est ça, pareil, là, parce que rentrer. Faut pas se leurrer. On se mentira pas. Donc, on va parler maintenant des Tigres. Comme on l'a dit, ils ont connu quand même une difficile semaine, alors qu'ils avaient 3 matchs contre les 2 équipes de tête de leur division. Ils auront la tâche un peu moins lourde cette semaine, alors qu'ils affronteront ce vendredi et ce samedi les Maniacs à Lewiston. En parlant des Maniacs de Lewiston, ouais. Nicolas, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent que le club pourrait déménager dès l'an prochain parce qu'il y a une baisse d'environ 500 spectateurs par année. Pendant le temps des fêtes, on parlait d'un possible déménagement de l'équipe vers une autre ville américaine qui était Portland, mais maintenant, ce serait plutôt vers Boisbriand, à Montréal, que le club pourrait se déplacer. C'est l'ancien joueur de la Ligue nationale et maintenant analyste à RDS, Joël Bouchard, qui serait l'actionnaire principal, alors qu'il voudrait implanter une équipe dans son tout nouveau complexe qui commencera à être construit le mois prochain. Par contre, le seul hic pour cette ville est qu'il rentre dans la zone junior de Montréal qui possède un périmètre de 40 km. Boisbriand en est à 32 km. Donc, c'est certain que le junior pourrait demander une compensation. Mm-hmm. Si cette équipe déménageant à cet endroit parlait là, d'une compensation d'environ dans les 7 chiffres. Là, donc, ça serait quand même dispendieux. Pis ça, là, ces chiffres, là, c'est à peu près le tiers de ce que Pharrell Miller a payé pour avoir les Fog Devils de St. John's. Ouais. Pour acheter le club et déménager à Montréal, c'est énorme, là. C'est énorme. Gros, donc, là. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que, tu sais, c'est ça qui est un petit peu plus difficile à. Dans, on sait pas trop, là, qu'est-ce qui va se passer avec ça, je te dis. Ben, là, il est gourmand, là. C'est cher, c'est là. C'est... Ben, tu sais, faut dire que le club vient de s'implanter, là, le Junior de Montréal. Ouais. Donc, tout de suite, amener un autre club déjà dans leur périmètre, je pense que ça pourrait faire mal, là, au Junior de Montréal. Comme on dit, c'est se diviser la tarte. Ben, c'est ça, c'est se diviser, ouais, vraiment. Ouais, mais moi, je me rappelle d'une époque où t'avais un club à Longueuil, un club à Verdun, Saint-Jean, un club à Saint-Jean, à Laval. C'est sûr, mais. On n'est plus dans ce temps-là. Je pense qu'à Montréal, on a fait plusieurs essais. On a le Rocket. Ouais. On a eu, regarde, il n'y a rien qui a marché, malheureusement. Donc, le junior, là, ça va quand même pas super. On a quand même des bonnes assistances. Mais là, implanter un deuxième club à Montréal, c'est d'un autre bord, je peux juste pas croire. C'est parce que là, Montréal, c'est vraiment Verdun. Verdun-Boisbriand, là, on dit 32 km, mais 32 km, c'est à travers Montréal. Là, on s'entend. C'est dans un rayon de 60 000 personnes. Au niveau du... Ouais, dans le fond, c'est vraiment, t'as un périmètre de 40 km à travers un bassin. De 60 000 personnes. OK. Ah ben, ça, c'est pas un problème à Montréal. Là, non, c'est ça. Je pense que pour le bassin. Je pense que c'est un beau bassin. un beau bassin. Donc, non, c'est ça, mais tu sais, tu te dis, c'est de traverser. Je pense pas qu'il y a des gens de Boisbriand qui vont voir il y en a, là, je veux dire, on se mentira pas, là, mais il y en a moins qui seraient supposés. Verdun est plus proche, à moi, du West Island, puis tout ça. Puis Boisbriand, c'est sur la couronne nord. C'est plus, justement, Terrebonne, Repentigny, Joliette, à la limite, qui est pas trop loin. Donc, encore là, c'est une bonne distance, là, de Joliette à Joliette-Boisbriand. Combien de temps? Écoute, par cœur, je ne sais pas, là, mais... Peut-être une demi-heure. Ça. C'est pas plus long que de se rendre à Verdun, là, tant qu'à moi. Donc, tu sais, je comprends pour Shawinigan, mettons. Shawinigan, Trois-Rivières... Là, parce que ça peut être problématique en tant que tel, parce que oui, il y a du monde de Trois-Rivières qui vont voir le club à Shawinigan, ça se fait bien, là, c'est l'autoroute, puis d'attitude à t'es rendu, là, t'es arrivé. Tandis qu'à Montréal, faut que tu... fasses des détours, faut que tu as besoin du stationnement. C'est l'affaire, faut que tu te dises qu'à Montréal, on a eu de la misère à implanter des équipes là-bas. Ouais. Puis là, on est rendu qu'on en veut deux à partir de l'année prochaine. Je trouve que c'est poussé. C'est vraiment trop poussé. On a eu de la misère à en faire vivre deux, trois dans les années dernières. Là, il y en a combien qui sont partis? On a eu Rocket. Ouais. On a eu ensuite... Longueuil, comme tous ceux qu'on a nommés. Ben, c'est ça. Ceux qu'on a nommés. Tu peux rajouter Saint-Hyacinthe, tu peux rajouter Granby, tu peux rajouter... Sherbrooke, plus loin. Il y a déjà eu Sorel. Les éparguilles de Sorel. On prend toutes les noms pour la journée. Écoute, mais c'est... Il faut se dire que deux clubs de Montréal, là, c'est comme, au pire, je pense qu'à Québec, on a un meilleur bassin de population, un plus petit bassin de population, mais je pense que le monde sont beaucoup plus intéressés aux juniors majeurs du Québec. Donc, tant qu'à ça, pensez peut-être en amener une à Lévis, je sais pas. Ben là, Montréal. La semaine passée, tu m'as dit que non. J'étais pas pour ça, je suis pas pour ça, mais là, quand on parle d'emmener une deuxième équipe à Montréal qui survivra peut-être pas. Ça dépend, parce que Montréal vit tout seul présentement. Gatineau, c'est loin. Shawinigan, c'est loin. Drummondville, c'est loin. Tu sais, là, au niveau territoire, t'as Gatineau, qui est pas loin. Ben, Gatineau, c'est au moins une heure et demie, deux heures. Ouais, c'est une heure et demie, deux heures. Une équipe à Boisbriand, tu viens-tu de partir une rivalité? T'as-tu de quoi qui vient de se bâtir tout d'un coup, puis que, justement, peut attiser la flamme et... tu vas avoir genre une belle guerre entre le monde de Montréal, le monde des régions, 5-1-4 contre le 4-5-0. Puis, contre le 4-1-8. C'est ça, le 4-1-8. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait être réalisable. OK, merci beaucoup, Pierre-Luc. Ben, puis, ça m'a fait plaisir. On va regarder ce dossier-là. Calendrier cette semaine, c'est une petite semaine chez les Patriotes. Seulement deux matchs pour toutes les équipes. C'est du hockey, les deux matchs. Vendredi, Ottawa, les GGs vont être ici à Trois-Rivières. Donc, on va regarder pour une revanche de la part des Patriotes. J'espère. Mais oui. Et samedi, McGill, au McConnell Arena, les Pats vont aller jouer contre les Redmen. Hockey Junior, Pierre-Luc? Dans le Hockey Junior cette semaine, on a des très, très, très bons matchs. Donc, c'est sûr que on a tout d'abord les Cataractes qui se rendent à Drummondville ce soir contre les Voltigeurs. C'est à 19h30. Ensuite de ça, les Cataractes qui vont recevoir Cap-Breton par deux fois. Donc, jeudi à 7h, vendredi à 19h30. Et les Voltigeurs qui vont terminer la semaine en recevant leur tour, les Screaming Eagles du Cap-Breton. Samedi, c'est à 16h, par exemple. OK. Et Super Bowl 43, puis à Luc, t'as-tu une prédiction? Steelers de Pittsburgh. Toi, tu y vas avec Steelers. Sans contre-doute. Ben, écoute, moi, je suis totalement d'accord avec toi. Les Steelers sont une meilleure équipe. Je peux juste pas croire à la magie des Cardinals présentement. C'est pas croyable que ça tienne. Ça tiendra pas pour la finale. C'est évident que les Steelers sont meilleurs, puis que vraiment... Donc, je vais prendre pour les Cardinals, parce que comme l'an passé, les Patriots avaient perdu, puis tout ça, je vais y aller avec l'Underdog. Ben, on s'en reparle la semaine prochaine, mon gars. On va regarder ça. Hey, on se quitte, merci. Merci beaucoup d'avoir été là. Donc, c'est ce qui conclut l'inconduite de partie. Pour nous rejoindre en tout temps, www.inconduitedepartie.com. Hey, bonne semaine à vous. Profitez du carnaval. Il reste encore deux jours. Donc, allez-y fort. Ouais, on se laisse en musique avec Mononcle Serge, la collaboration Mononcle Serge Anonymous. Voici la chanson Woodstock en Beauce. Woodstock en Beauce, où chaque année je la débauche. Deux bananes et des pommes dans mon pack sac. Puis tu potes, tabarnak, j'ai équipé pour lui donner la claque. J'arrivais à Woodstock plein de potes, mais je voulais faire de quoi de plus rock. J'ai changé des deux bananes pour de pilules à un prix comme on vole le trois pistoles. Les cheveux longs en cibole avec le barbe et mille capitoles des Sex Pistols. Wow, j'étais malade, débile, hallucinant. Sur le stage j'avais mon oncle Serge. J'pense même que j'y ai vu la verge. Il faisait du bon de sangling avec un G-string. Oui, voyait le vacances, tout fondé, puis la pilule a embarqué. Wow! C'était high! A freak out! J'ai regardé! Hey! Regardé! Oh no!